Oh mon jojo. Oh ma caca. Mes amis, vous avez vu ça? Pas mal, non, le résultat de Mary Biz? Elle en finale, la grande idiote. Ah, jusque-là, je m'étais fait discret. Vous le savez, je suis un homme de l'ombre qui agit pour le bien des autres sans jamais vouloir me mettre en avant. Eh bien là, je le dis, je suis fier. Cette place en finale, c'est grâce à moi. Oui, merde. Non, parce que toute seule, l'autre a ri, hein, elle serait peut-être allée à la finale, mais dans les gradins, pour la regarder. Ah, une fois de plus, ma méthode a fait des miracles. Quand je pense que ce matin, elle râlait encore. Non, parce que vous comprendrez aisément que pour une demi-finale, j'avais préparé un entraînement un peu plus musclé. Mais qu'est-ce qui se passe? Debout, feignasse! C'est l'heure! Mais il est 3h du matin! Oh, excuse-moi, je suis pas à l'heure! Je vais travailler à 1h30! Mais tu es cinglé! Ah, voilà! Mais enfin, ça va pas de me gifler la gueule comme ça! Je vais t'apprendre la discipline, moi, la québécoise! Allez! Ah! Mets-toi un char de plus vite que ça! Plus vite le tour de stade, plus vite! Je suis crevé! Rien à foutre! Cours, morue! Vas-y, cavale! J'en peux plus, Helmut! Allez, encore 40 tours et on fait une pause! Alors, c'est pour qui la victoire? Ben, ça dépend. Ça dépend de qui c'est qui le gagne. Ah! C'est pour qui? Ah! C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour moi! C'est pour moi! C'est pour moi! C'est pour moi, je vais gagner! C'est promis, juré! Crushé! Ben, tu vois quand tu veux. Vous avez vu le résultat? Bon, je sais aujourd'hui elle a perdu 2 jeux. Mais enfin, quand même, c'est pas mal, hein? Bon, je vous laisse. Je vais retourner voir ma protégée. Faut que je la prépare pour la finale. Allez, au vidéo, Z.